L'Association générale des Coréens en Chine a publié les déclarations intitulées « Il faut destituer et condamner le plus vite possible Park Geun-hye, s'opposant à l'opinion publique » et « Soutien absolu à la lutte juste de l'Action nationale extraordinaire de Corée du Sud ». Par ailleurs, le porte-parole de l'Association du district central et méridional de l'Association générale des jeunes Coréens en Chine a publié un article en signe de soutien à la lutte juste des Sud-Coréens.